Je crois. Les ordinateurs. C'est chiant, les ordinateurs. Bah, bienvenue en Chine. C'est là où on construit des guitares. Personne ne veut m'aider.